bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Il n'y a pas de nouvelles mesures arrêtées par la Banque de la République du Burundi pour limiter les retraits dans les banques ou microfinances. Le chargé de la communication à la Banque de la République du Burundi indique que les banques et les microfinances veulent plutôt inciter les gens à utiliser le système électronique. Les commerçants du ciment dit Buseko des différentes communes de la province Ngozi se lamentent qu'ils vendent le sac à 38 000 francs alors qu'ils s'approvisionne à ce même prix. Il demande que ce prix soit revu à la hausse ou que la Buseco l'achemine directement vers les communes. Vous aurez les détails dans cette édition. L'État devrait chercher les experts économiques nationaux et internationaux qui peuvent contribuer dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement de voir le Burundi émergent en 2040 et pays développé en 2060. Le directeur de l'ONG Parole et Action pour le changement de mentalité l'a dit lors d'une conférence de presse ce mercredi. Vous aurez les détails dans cette édition mise en onde par Anselme Ilambona à la présentation de Oreb Ingabire. Bienvenue encore. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les caféiculteurs de la province Bubanza se lamentent suite au café vendu à crédit au mois de mars à la société Sopro Café. Ils n'ont pas encore été payés à quelques semaines de la rentrée scolaire. Pour eux, cette société Sopro Café n'a pas honoré ses engagements depuis le mois de juin de cette année. À la société Sopro Café, ils expliquent ce retard par des opérations bancaires n'autorisant pas des retraits souhaités. Espèce Caritas Cabagnana. Ces cultivateurs de café de cette province de Bubanza se lamentent et disent qu'ils avaient la promesse de recevoir leur argent au mois de juin, mais ils attendent jusqu'aujourd'hui alors qu'ils avaient vendu leur café depuis le mois de mars cette année. Un cultivateur rencontré en commune Musigati déplore les faits et précise que ces cultivateurs sont accablés par la pauvreté et de plus, ils ne voient pas comment acheter le matériel scolaire de leurs enfants qui commencent bientôt l'école. Ils demandent à la société Sopro Café qui a acheté ce café à crédit de les rétablir dans leurs droits. Au niveau de la société Sopro Café qui s'occupe de la collecte et la vente du café, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas pu payer cet argent à temps comme c'était promis et jettent la responsabilité à la banque qui n'autorise pas les retraits comme le souhaite un client. Évariste Nguilene, contrôleur interne à la Sopro Café, explique que cette société a besoin de 600 millions de francs burundais pour payer ses cultivateurs, mais un tel montant n'est pas facilement libéré par la banque. Évariste Nguilene tranquillise cependant les caféiculteurs et dit que la société est en train de tout faire pour recevoir cet argent et payer ses cultivateurs de café d'ici au cours de cette semaine si rien ne change selon ce contrôleur interne de la Sopro Café. Spécialitas Kalanyana, province de Bubanza, pour la radio Isanganiro. En parlant toujours d'opérations bancaires, il n'y a pas de nouvelles mesures arrêtées par la Banque de la République du Burundi pour limiter les retraits dans les banques ou microfinances. Propos tenus par Bellarmin Bacinoni, chargé de la communication à la BRB au moment où des plaintes ont été signalées que certaines banques et microfinances ne permettent pas à leurs clients de retirer la somme voulue. Bellarmin Bacinoni tranquillise que ces institutions n'ont pas de problème de billets. C'est plutôt que ces banques ou microfinances veulent inciter les gens à utiliser le système électronique. Suivez-le. La Banque de la République du Burundi a supprimé la mesure qui portait sur la limitation des retraits et versements. Désormais, depuis le 17 juin 2023, toute personne est autorisée à verser ou à retirer son argent sur son compte et d'une manière illimitée. Il y en a qui le feraient pour encourager leurs clients à utiliser les moyens alternatifs au cash, donc au cash comme moyen de paiement, tels que les chèques, les transferts, les virements, tout ça. Ce qui est aussi positif. Lorsque les banques commerciales ont assez de liquidités, lorsqu'ils ont un certain montant qu'ils ne doivent pas dépasser dans leur stock, ils l'amènent à la banque centrale. Eh bien, nous continuons à recevoir les banques qui veulent faire des retraits, mais aussi les banques qui veulent faire des versements. Et les chiffres que nous avons nous montrent que ce soit dans les microfinances, que ce soit dans les banques, eh bien, il y a des billets et pièces. Eh bien, nous interpellerons les banques et les microfinances d'approcher leurs clients pour leur parler de ces autres moyens de paiement alternatifs au cash, parce que ces banques en ont, mais pour ceux qui ont nécessairement besoin de cash, la banque centrale a retiré cette mesure qui délimitait les retraits et les versements. Poursuivons cette édition avec cette nouvelle engourdie où des commerçants se lamentent du des commerçants du ciment dit Buseco des différentes communes se lamentent du prix de 38 000 francs le sac alors qu'ils s'approvisionnent chez les grossistes du chef-lieu de cette province au même prix. Ces commerçants demandent la revue à la hausse de ce prix ou l'acheminement de ce produit jusqu'au chef-lieu des communes, arguant que le transport d'Ngozi vers ces communes leur coûte cher. Dans une réunion avec le gouverneur de ce mardi soir, Emmanuel Nachonsanze leur demande le respect de la loi en vigueur en attendant de nouvelles mesures, chose mal accueillie par ces derniers. Apollinaire Muzagara. Ces commerçants disent ne pas comprendre comment ils pourraient vendre un sac de ciment à 38 000 francs bout dans les communes comme Kirehemba, Marangara et autres qui sont à 50 voire 80 km, alors qu'ils l'ont acheté à ce même prix au chef-lieu de la province Ngozi. Ils affirment qu'il y en a qui ont abandonné ce commerce suite à cette situation. Même les citoyens en train de construire des maisons dans ces communes en souffrent d'après ces commerçants car ils n'en trouvent pas actuellement chez eux. Ils demandent par conséquent à Buseco d'acheminer son produit dans les communes ou de leur autoriser la hausse du prix sur le sac en vue de réaliser un office camping. Le gouverneur de la province Ngozi dit être au courant de ce problème mais demande d'abord le respect de son prix en attendant de nouvelles décisions de la part des hautes autorités de son pays. Emmanuel Nachonsanze promet néanmoins d'en informer toujours ces autorités. Ces commerçants disent qu'ils sont confrontés à maintes difficultés, mais qu'ils ne trouvent pas malheureusement de solution. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Je vous l'avais dit dans les titres, l'État devrait chercher les experts économiques nationaux et internationaux qui peuvent contribuer dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement de voir le Burundi émergent en 2040 et pays développé en 2060. Ce propos ce mercredi du directeur de l'ONG Parole et Action pour le changement de mentalité lors d'une conférence de presse. Faustin Dikoumana indique que ces experts devraient travailler dans un cadre institutionnel chargé de surveiller la mise en application de cette vision gouvernementale. Suivez. D'après notre expérience, nous avons sorti un livret intitulé « Burundi émergent 2040, pays développé 2060 ». Quels sont les préalables ? Il y a des préalables. On parle d'élaborer des documents, mais le changement concret, il faut inverser la tendance. D'abord, il faut remettre de l'ordre dans les documents de planification. Pour éviter les improvisations, le Burundi, au stade où il se trouve, il nécessite d'abord des mesures de redressement. Nous sommes à un stade de pauvreté évidente. Quand un pays éprouve des difficultés de s'approvisionner, un produit stratégique comme le carburant. Quand il est difficile de trouver par exemple un kilo de sucre, il faut d'abord redresser le pays à partir des réformes profondes. Il faut avoir un plan d'infrastructure, moderniser les infrastructures. Parce que nous avons entendu très récemment le ministre des Travaux publics dire que très récemment il y aura des échéances de plans ici et là. Oui, on en convient. Mais le Burundi à quel stade? Redéfinir le rôle des acteurs. Le gouvernement ne peut pas se considérer comme il va tout faire pour tout orchestrer. Il faut un gouvernement qui clarifie les missions des acteurs, le secteur privé, les institutions politiques et l'État, les ONG, la société civile, les confessions religieuses. Il faut la clarification de la mission de chaque acteur. Sinon, le gouvernement est bon à tout faire, fixer les prix, improviser dans tout et rien. Il faut quelque part voir là où l'État est efficace. On ne fait pas vouloir mettre en application la vision avec des structures classiques qui sont là. Ailleurs même, on fait une mission spéciale ou un ministère spécial chargé de suivre la mise en application de la passe à la vision. Un événement fatidique qui influence le destin d'un pays. La nomination dans les postes doit être politisée. Non, Il faut des experts, au cas échéant recourir à l'expertise étrangère. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité nationale continue. La police a dispersé ce mercredi les propriétaires des parcelles situées à Gassé-Nyakabondo dans les 160 hectares près du palais présidentiel en commune Mutimbuzi, province de Bujumbura. Ces propriétaires des parcelles représentant plus de 2800 ont fait sit-in devant les bureaux du ministère en charge de l'environnement. Ils réclament l'avancement de leur dossier sur les indemnisations après plus d'une année de recensement. Emmanuel Nyongabo, représentant de ces habitants, déplore ce comportement des forces de l'ordre et demande au chef de l'État d'intervenir pour résoudre ce problème. Jean-Marie Mayonga. Ce sont certains des propriétaires des parcelles situées à Gassé-Nyakabondo, près du palais présidentiel, qui ont fait sit-in devant les bureaux du ministère de l'Environnement le matin de ce mercredi. Ces habitants n'ont pas été facilités par la police, qui était en grand nombre dans cet endroit. Ils disent qu'aujourd'hui, ils vivent dans de mauvaises conditions car ils ne peuvent rien faire dans leurs parcelles. Ils signalent également que leurs parcelles ont été recensées il y a une année et quelques jours, mais ils n'ont pas d'informations sur les indemnisations. Ils nous ont demandé d'attendre le versement sur nos comptes que très bientôt nous serions régularisés. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de l'argent. Nos enfants ne sont pas inscrits dans les écoles. Si tu es de 160 hectares, tu n'es pas accueilli. Où va-t-on placer nos enfants? Nous avons été recensés. Ils ont pris nos documents de parcelles. Pas même un jeté pour les réclamations. Ces habitants demandent au chef de l'État de visiter ces terrains afin que cette question trouve une solution. Emmanuel Nyongabo, qui représente ces populations, se dit être surpris du comportement de la police qui est venue en grand nombre pour les interdire à approcher les bureaux du ministère et ont été obligés de les disperser afin qu'ils regagnent leur domicile. Il précise que jusqu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas où arrive leur dossier des habitants des 160 hectares en ce qui est des indemnisations. Je ne sais pas comment on peut acheminer un dossier de 160 hectares dans un ministère et qu'il n'y a personne qui sache où se trouve ce dossier. Nous avons essayé de chercher, nous ne savons pas où se trouve maintenant ce dossier et nous n'avons aucune réponse. Aujourd'hui alors, je les avais amenés pour qu'ils posent cette question aux responsables chargés de suivre ce dossier. Mais malheureusement, vous avez vu que la police et la documentation étaient là pour nous empêcher d'approcher au ministère. J'ai été trop déçu parce que je ne m'attendais pas à cette situation. Vous aviez vu qu'il y avait beaucoup de policiers. C'est pourquoi j'ai supplié la population de retourner à la maison. Plus de 2800 familles ont des parcelles dans les 160 hectares et un recensement de leurs biens a été mené et il y a plus d'une année, mais ils n'ont rien vu sur leur compte. Merci à toi, Mayonga. Parlons santé à présent. Le district sanitaire de Matana en province de Bururi a eu 84% comme taux de couverture vaccinale pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite premier passage. Il n'a pas atteint l'objectif de 95%, ce qui a inquiété les participants à la réunion de ce mardi à Bururi. Docteur Vénérant Nyambikiye, médecin directeur de la province sanitaire de Bururi, fait savoir que cela peut être expliqué par le fait que les données de recensement de 2008 utilisées pour se fixer cet objectif ne correspondent pas aujourd'hui à l'effectif des enfants concernés par ce vaccin. Le cabinet du gouverneur appelle les représentants de la population à tous les niveaux à fournir plus d'efforts en sensibilisant les parents pour la réussite de la prochaine campagne de vaccination contre cette maladie, deuxième passage prévue du 17 au 22 de ce mois. Zenon Zambimana nous fait le point. Selon les données en provenance du bureau de la province sanitaire de Bururi, le district sanitaire de Matana n'a pas atteint l'objectif de 95% au cours de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, premier passage qui a eu lieu au mois de juin de cette année. Il a eu 84% comme taux de couverture vaccinale au moment où d'autres districts sanitaires de Bururi ont atteint cet objectif et toute la province de Bururi a eu 96%. Docteur Vénérant Nyambikiye, médecin directeur de la province sanitaire de Bururi, dit que cela serait lié aux données du recensement de 2008 sur lesquelles ils se basent pour se donner l'objectif de 95% qui ne correspondent plus aux effectifs des enfants concernés aujourd'hui par ce vaccin. Mais l'important est que toute la province de Bruli, y compris le district sanitaire de Matana, est arrivée à la réussite de cette campagne. Docteur Vénérant Nyambikié, de même que Louis Ndouimana, conseiller chargé des affaires administratives et financières au cabinet du gouverneur de la province de Bruli, appelle les représentants de la population à tous les niveaux à fournir plus d'efforts dans les sensibilisations pour la réussite de la prochaine campagne de vaccination contre la poliomyélite, deuxième passage prévu du 17 au 22 de ce mois en cours, une campagne qui se déroulera dans les lieux comme devant les églises, tout près des marchés et dans d'autres lieux où se rencontrent beaucoup de personnes. Les enfants de 0 à 7 ans révolus recevront le vaccin contre la poliomyélite, ceux de 6 à 5 mois recevront la vitamine A et le déparasitage albendazole pour les enfants âgés d'une année à 7 ans. Vous saurez que plus de 106 000 enfants sont attendus dans toute la province de Bruli au cours de cette campagne, selon le Bureau provincial de la santé à Bruli. Depuis Bruli, Zeno Nzabimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Une liste de 37 joueurs a été présélectionnée par le sélectionneur national pour préparer le match qui opposera le Burundi au Cameroun en date du 12 septembre 2023 au Cameroun. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, Étienne Ndayiragije a fait savoir que les préparatifs ont déjà commencé car il collabore avec les joueurs et le staff pour se préparer psychologiquement. Sur la liste des joueurs présélectionnés, il figure Saïdo, Niba, Zonghiza et Cédric Amissi qui ne sont pas convoqués pour ce match gagné par le Burundi 3-2 de la Namibie le 20 juin 2023 à Dar es Salaam. C'était l'actualité sportive. En bref, tout de suite, la chronique parlera sur moi. Parle, rassure-moi. Les discours qui prônent la prise de décision arbitraire peuvent surgir dans une communauté. Ils sont remarquables, surtout dans les sociétés ayant été secouées par des crises répétitives. L'expert en justice transitionnelle Jean Bosco Halilimana indique que de tels discours peuvent conduire à des conflits communautaires où il faut à tout prix les éviter afin de renforcer la cohésion sociale. Je vous invite à suivre cette chronique préparée par Francine Ndiokugayo. Ces discours proviennent d'un souci de résoudre un problème. On les retrouve dans les sociétés qui ont connu des moments de crise, comme l'indique l'expert en justice et transitionnelle Jean Bosco Halilimana. Souvent, les uns et les autres voient cela comme une stratégie, des tactiques de résolution facile dans différents conflits, ce qui souvent amène des pratiques qui sont contraires à la pratique de la loi. Ça peut réveiller le vieux démon, renvoyer au passé, à des références de ce conflit violent, et quelquefois même s'il y a escalade, animer un discours de haine contre certaines catégories ethniques, géographiques, âge, genre, et quitte à perturber la quiétude, la paix sociale. L'utilisation de tels discours peut constituer une menace pour la communauté, Jean Bosco Halilimana explique. Si ces discours sont dans le niveau de personnes qui ont un niveau de leadership, quelquefois ils sont conscients qu'il ne faut pas proférer les messages de haine dans leurs discours, mais si ça devient une pratique, si c'est intériorisé et devenu monnaie courante dans les communautés, dans le conflit individuel ou communautaire, rien n'empêcherait qu'au lieu de maintenir cette retenue dans les discours, il y ait usage de messages de haine sur base, bien sûr, de contentieux historiques, avec référence à différents épisodes de crise, et quelquefois avec une discrimination genre, âge, race, origine, qui peuvent vraiment avoir de conséquences graves sur la démarche de consolidation de la paix, la démarche de renforcement de la cohésion sociale dans une société post-conflit. Les auteurs de ces discours doivent savoir que cette pratique ne résout pas du tout les problèmes existants dans la société. L'expert en justice transitionnelle donne quelques conseils. Ça cause beaucoup de mal que la solution qu'elle amène. Ça, c'est du niveau des auteurs. Du niveau de l'audience, c'est que ce n'est pas le standard, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de renforcer, de tenir un discours qui renforce la paix, qui renforce la cohésion sociale, qui renforce la quiétude dans la société où l'on vit. Et ceci devrait être la préoccupation de tout le monde, depuis le leadership au plus haut sommet, à des leaderships au niveau intermédiaire, des provinces, des communes, jusqu'à la base. Pour Jean-Bosco Harelimana, cela devrait être également un souci pour tout citoyen conscient de ce danger. Et voilà, c'est par ici qu'on se quitte. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à Anselme Ilambona pour la mise en onde. Au micro de Oreb Ingabire, les programmes continuent sur Isanganiro.